Et le hasard, encore une fois, aime jouer au rabat-joie. 13 juin, soir, Yangshuo, hôtel Xinxin, étoile Nobel. Aussitôt arrivé dans la ville de Guilin, Mei et moi prenons un petit bateau. Direction Yangshuo, petite localité située à une soixantaine de kilomètres. Sous un ciel un peu gris, sur les eaux calmes et verdâtres du large fleuve Lijiang, serpentant dans les longues et sinueuses veines de la terre, nous naviguons lentement vers le sud profond. Debout près de la balustrade, j'admire ce que mes yeux n'ont vu nulle part ailleurs, une nature d'une beauté absolument stupéfiante. Elle rappelle des peintures vues dans les boutiques de Sion. Photo de l'embarcation sur le fleuve. Bordant les deux rives du fleuve, se dressent d'étranges et grandioses montagnes, généralement en forme de cône à hauteur impressionnante, la plupart boisées, quelques-unes un peu dénudées. Sur une rive, des enfants, vêtus de simples culottes, s'amusent dans l'eau, sautillent en riant, nagent énergiquement en soulevant des gerbes d'eau mousseuse. Sur une petite barque plate, construite en bambou, un vieux pêcheur se tient debout, la tête recouverte d'un large chapeau de paille en forme de cône. Tenant dans la main droite un cormoran, il le lance paisiblement vers l'eau. L'oiseau y plonge. Peu après, il revient, en tenant dans le bec un poisson qui s'agite sans pouvoir s'échapper. Le vieil homme le prend. L'oiseau s'éloigne de nouveau à la recherche d'une nouvelle proie. Extrême surprise. Ces enfants et ce vieillard disposent de tellement peu. Néanmoins, ils ont l'air heureux. Mystère. Fonctionnaire de banque, qu'en dis-tu ? Mon enchantement est interrompu par un couple de touristes occidentaux. « Cheese, cheese !» intime l'homme à sa compagne. En se trémoussant, elle se place vite devant la balustrade, prend la pose et sourit de toutes ses dents. Clic. Puis le couple regarde la photo, indifférent à la beauté naturelle environnante. Il avait raison, l'employé du magasin de musique à Pékin. Celui qui n'a pas le cœur pur ne sait pas en apprécier la musique. Il en est de même de ces touristes. Leur cœur ne semble pas assez raffiné pour estimer la splendeur alentour. De la balustrade, je contemple longtemps les eaux. Agitées par le mouvement du bateau, elles défilent, tour à tour sombres et claires. Ah, vous reflétez l'état de mon âme. Cette lente pénétration dans les entrailles liquides et sinueuses de la terre me plonge au plus profond de moi-même. Ô ciel, ô ciel. Le nectar de la fleur n'est plus. La douleur devient si aiguë. 13 juin, soir, Yangshuo, petite auberge. Une heure avant l'aube, une petite valise en main, je jette un dernier regard à l'intérieur de ma maison, au village. Un trouble sentiment me saisit. Je sors de mon logis et referme la porte, sans user de clé. C'est inutile dans le village. Je m'apprête à m'éloigner. Tout à coup, un chant. Je me retourne et vois devant moi les villageois. Ils sont tous présents, y compris leurs enfants. Ils entonnent en chœur un chant de la séparation. Une brusque et frémissante onde me parcourt. Un vieux paysan, un octogénaire aux cheveux blancs, au corps frêle, au visage doux et au regard clair, poursuit en solo d'une voix très émue à mon adresse. Au soir, le soleil nous quitte, mais à l'aurore, il revient. La lune, à l'aube, nous quitte, mais le soir, elle nous revient. Toi qui pars, sois notre soleil. Et sois notre lune, nous te disons, tous reprennent ensemble, au revoir, en attendant ton retour. Tandis que l'hymne résonne dans l'air, des yeux se remplissent de larmes, les miens et ceux des autres. La petite Xuxi, encadrée par son père et sa mère, pleure à chaudes larmes, secouée de hoquets, le regard rivé sur moi. Tous les autres petits élèves, accompagnés de leurs parents, ont le visage baigné de larmes. Même celui labouré de rides du vieillard, il a pourtant subi tant de séparations. et d'abord les plus douloureuses, celles définitives de son épouse, puis de son unique enfant. Ils furent emportés l'un après l'autre par une maladie. Elle aurait pu être soignée, mais nous n'étions plus à l'époque de la médecine gratuite. La réforme économique imposa l'argent, et ce maudit argent a manqué. Je lève le bras et salue chaleureusement de la main les présents avec toute ma reconnaissance. Ils répondent de même façon en répétant « au revoir, en attendant ton retour ». Je les contemple, la gorge serrée, la bouche incapable de s'ouvrir pour répondre au salut. J'ai connu et souffert tant de séparations, mais celle-ci... À peine les premiers rayons de l'aube éclairent le ciel, un long sifflement annonce l'arrivée de mon train. Une heure après, il court entre de vastes rizières, bien cultivées, entourées de montagnes. Le ciel est pur, la lumière douce. Des paysans, hommes et femmes, s'affairent dans leurs champs, le dos courbé, les jambes dans l'eau boueuse des rizières. Leur vue me serre le cœur. Je connais et j'ai partagé leurs peines, leurs douleurs, leur humilité et leur grandeur. Une paysanne se redresse et regarde passer le train. Sa tête est protégée d'un foulard rouge. Oh, le foulard rouge! Il est semblable à un autre. Il serrait le haut de la tête enfiévrée de ma mère. Sa voix affaiblie prononça avec une digne résignation « Je vais bientôt mourir ». Elle était allongée sur un lit d'hôpital, le visage très pâle, éclairé par la lumière blafarde d'un néon. Dans ma main, je tenais celle de maman, en retenant ma suffocante affliction. Ma mère parvint à murmurer, en haletant, « Vivre n'a pas été facile, mais j'ai vécu honnêtement. J'ai fait honneur à mes parents, à ton père, à toi. À notre peuple. » La respiration difficile, elle se tut pour récupérer un peu d'énergie. Elle reprit. « Je sais que tu t'occuperas bien de ton père. Une seule chose manque. Te voir mariée, heureuse, mère. » Sa main amaigrie et tremblante serra plus fort la mienne. « Pardonne-moi, maman, bredouillai-je. Si j'avais pu, je me serais mariée avec la plus grande joie. La mienne est de vous deux, toi et papa. » Ma mère commanda, en s'interrompant chaque fois pour reprendre son souffle, « N'oublie pas, jamais, quelles que soient les difficultés qui t'accableront dans la vie, ne perds jamais confiance en toi, jamais ta dignité. À nous les pauvres, c'est notre richesse. » Jusqu'à quand la bête immonde sera encore féconde ? Le train s'arrête dans une gare. Un couple entre dans mon compartiment. Une jeune femme, d'une trentaine d'années, marche d'une manière ridicule, gênée par les hauts talons de ses chaussures. Elle est habillée à l'occidentale, avec des vêtements coûteux. Son visage est ridiculement maquillé. De sombres lunettes de soleil cachent ses yeux. Son cou est paré d'un gros collier. Un homme, d'une cinquantaine d'années, l'accompagne. Il est vêtu d'un costume impeccable, assorti d'une chemise et d'une cravate de prix, arborant une marque occidentale fameuse. Lui aussi porte de noires lunettes de soleil. Il exhibe une grosse montre au poignet, couleur or. Le couple s'assoit en face de moi. L'homme pose nerveusement sur ses genoux un attaché-caisse luxueux. La présence de ces deux personnes est tout à fait incongrue dans le compartiment de deuxième classe où je me trouve. J'ai toujours méprisé l'étalage vulgaire de richesse extérieure. Je trouve à ces deux voyageurs quelque chose de sinistre, de requin, mâle et femelle, assoiffé de sang et affamé de chair humaine. Je sais que mon pays, hélas, a changé ces dernières années. Il a abandonné une voie erronée pour une autre préoccupante. Des instincts humains très mauvais ont retrouvé leur capacité de nuire. Certains se sont trop vite enrichis de manière inexplicable, tandis que les pauvres ont davantage de difficultés pour vivre. Devant ce désagréable couple dans le wagon, la question la plus cruelle, la plus lancinante, la plus insupportable, revient encore une fois me torturer depuis le début de mon bannissement forcé. Ceux qui ont donné leur vie pour instaurer la justice sociale dans ce pays, quelles erreurs fatales ont-ils commises ? C'est quand même inadmissible, proteste l'affairiste scandalisé à sa compagne, qu'il n'y ait pas de place en première classe. J'ai même proposé de payer plus, mais rien à faire. Si, réplique d'un ton acide la caricature de poupée, le mécanicien auquel tu as fait examiner la voiture avait bien fait son travail, on ne serait pas dans cette situation. « Calme-toi, baby !» lui susurre le compagnon en prononçant le dernier mot avec l'accent le plus américain possible. L'indigné contrôle avec peine la colère qui accentue la laide grimace de son visage. « Allez, baby, calme-toi. Cela fait partie des inconvénients du business. Non, objecte-t-elle, mais de la fainéantise de ces misérables ouvriers qui veulent se remplir les poches d'argent sans travailler. » Des gouttes de sueur perlent sur le front de l'homme. Il enlève ses lunettes et jette un distrait coup d'œil vers moi. Quand nos deux regards se rencontrent, un soudain malaise me saisit. J'observe plus attentivement le visage du voyageur. Il détourne le regard vers sa compagne encore agitée. « Assez !» lui murmure-t-il avec une pointe d'exaspération. Prenant un ton doucereux, il ajoute « À l'arrivée, je t'emmènerai au restaurant de ton choix, ok ?» Je fixe intensément l'homme. Ce visage, cette voix. « Hé, l'artiste !» apostropha une voix arrogante. « Tu ne chantes pas à tes amis, les cochons !» Je venais d'être exilé dans le village. Je nettoyais les excréments dans une porcherie. Au son de la voix qui m'avait interpellé, je me tournai vers elle. Un jeune gardien me toisait, plein de mépris. « Alors !» insista le provocateur. Calme, je repris mon travail, puis je m'accompagnai d'une chanson composée après mon arrivée sur le lieu de mon bannissement. « Sois bien heureux, mon cœur, quel que soit le malheur, et du monde l'horreur, conserve ta splendeur. » « C'est interdit de chanter !» hurla le gardien. Indifférente à l'injonction, je continuai ma complainte en m'affairant. « Fleur jetée dans la boue, reste toujours debout. « C'est interdit de chanter !» répéta plus fort le jeune homme, envahi par la colère. « Tu seras puni comme tu le mérites. Cette nuit, tu dormiras là-dedans, avec les porcs. » Je poursuivis, tout en ramassant les excréments. « Et la force du bambou, qui résiste jusqu'au bout. « Arrête de chanter !» intima encore l'enragé d'une voix presque étranglée. « C'est interdit, interdit ! Travaille sans chanter !»« Chanter ne m'empêche pas de travailler, » dis-je tranquillement, en mettant des déchets dans un seau. « Au contraire, je travaille mieux. Je t'ordonne pour la dernière fois, » martela le gardien, « de travailler sans chanter !» Je lui lançai alors notre antique proverbe. Gisant sur le sable, le dragon est importuné par les crevettes. Descendant dans la plaine, le tigre est rudoyé par les chiens. Hors de lui, mon persécuteur se précipita sur moi et d'un violent coup de pied me renversa par terre. Il prit le seau plein d'excréments et le souleva pour renverser le contenu sur ma tête. Une main retint brusquement la sienne. L'agresseur se retourna, abasourdi. C'est une autre gardienne, une jeune fille, qui le bloquait. Elle lui cria indignée. « Tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Ce n'est pas un comportement de révolutionnaire. » « C'est toi, » aboya l'autre, « qui ne te comporte pas en révolutionnaire. Tu t'es démasqué. Tu es sa complice. Je te dénoncerai au comité. » Moi, contrainte par des douleurs dans les côtes à rester immobile par terre, j'assistai à la lutte qui s'ensuivit. La jeune gardienne tenta d'arracher le seau des mains de son camarade. Il résista avec fureur. Leur lutte furibonde les entraîna hors de la porcherie. Quelques jours après, un soir, après le travail, je me reposais au pied de mon arbre préféré, sur la pente d'une colline. Ma pensée alla au méchant gardien. Tout montrait qu'il me haïssait, et je ne parvenais à comprendre le motif. Une fois, je lui ai posé la question avec précaution et gentillesse. Pour toute réponse, il me cracha à la figure en déclarant « contre-révolutionnaire ». Depuis lors, je craignais de voir sa cruauté se manifester de manière trop excessive. Je savais que des victimes parfaitement innocentes étaient mortes sous la torture de ce genre d'énergumènes. Après leur crime, ces criminels reçurent les félicitations des autorités pour leur juste application des directives de notre président Mao. Ces très amères réflexions furent interrompues par l'arrivée d'une personne. Je me tournai vers elle. C'était la jeune gardienne qui m'avait défendue dans la porcherie. Elle sembla contente de me voir. Elle s'assit près de moi. Nous contemplâmes le paysage. En face de nous se dressait la majestueuse montagne. La jeune fille mit fin au silence d'une voix amicale. « Je sais que tu t'appelles Ruha. Je connais ton histoire. Mon nom est Hyun Bao. Merci, lui dis-je, pour le secours que tu m'as témoigné. Tu as l'air pensive, remarqua-t-elle. Puis-je savoir à quoi tu penses ? » Aussitôt, elle se corrigea, embarrassée. « Oh, ce n'est pas un interrogatoire. C'est une question innocente, amicale, pour faire connaissance. » Elle avait l'air sincère. J'en fus soulagée et contente. Je confessai. Je pense à un poème ancien. De qui est-il? De quelle époque? C'est un poème anonyme, d'une époque indéterminée. Oh, récite-le-moi, s'il te plaît. Je commençai. L'aigle, dans son vol, voit les vents contraires barrer son chemin. Ils le jettent au sol, mordre la poussière. Yun s'excita. « Ah, je le connais, je le connais !» Elle déclama la suite. Lui, plein de courage, remonte dans l'air, poursuit son voyage, résolu et fier. Ayant fini, nous nous regardâmes, satisfaites. Ma nouvelle amie déclara « Je connais un autre poème, tu veux l'entendre ?»« Oui, volontiers. » Tout inspirée, elle déclama « C'est dans la flamme ardente que se forge l'acier, dans la terre abondante, le bon riz et le blé. Dans une âme exaltante brille l'humanité. » Moi aussi, je connaissais ce poème. J'ai poursuivi, dans la caverne obscure, sans aucune lumière, que penser et quoi faire. Yun conclut, cherche où est l'ouverture. Un cri rageur l'interrompit, nous nous retournâmes. « Ah ! » hurla contre Yun, le jeune gardien méchant. « Que fais-tu ici ?» Elle se leva d'un bond, toute pâle. Moi aussi, je me mis debout. Yun reprit son calme. Elle fixa le nouveau venu droit dans les yeux et dit posément « Serait-il interdit de fréquenter une femme du peuple ?» Il me toisa avec mépris en éclatant d'un rire sardonique. Puis il lança en m'indiquant « Tu appelles ça le peuple ? Une putain pour étranger !» Il ordonna d'un geste impérieux « Allez, viens !» Elle ne bougea pas. « Pourquoi » demanda-t-elle sans se troubler. « Parce qu'on ne doit jamais rester seul avec nos ennemis de classe. Ils risquent de nous corrompre. Tu le sais, non ?» Il se tourna vers moi et, pointant un doigt menaçant, il éructa « Tu le paieras ! Tu le paieras très cher, vipère lubrique !» Yun protesta « Elle ne l'est pas ! Alors pourquoi a-t-elle voulu coucher avec un étranger ? Où est la preuve démontrant qu'il est un ennemi de notre peuple ? Moi j'ai remarqué comme tu as regardé Hua quand elle est arrivée au village. Que veux-tu dire par là ? Que tes yeux la dévoraient de désir ! Mais tu avais tout de suite compris qu'elle y était totalement indifférente ! Voilà pourquoi tu t'acharnes sur elle. Tu veux te venger parce que tu es simplement jaloux de savoir qu'elle aime un autre. » La fureur qui s'empara du garçon fut telle que ses yeux semblèrent vouloir sortir de leur cavité. « Ah, toi » s'égosilla-t-il, « tu es un très grave danger pour la Révolution. Je te dénoncerai. » Dans le train, je fixe de nouveau en face de moi le visage de l'ex-jeune gardien révolutionnaire. Devenu maintenant homme d'affaires, il a les yeux, encore une fois, cachés derrière ses lunettes sombres. Ne m'a-t-il pas reconnu, ou ne veut-il pas le montrer ? Une forte impulsion me suggère de lui adresser la parole, de lui rappeler qui il était, puis de lui demander ce que sont devenues ses certitudes révolutionnaires et ses ardentes proclamations de « servir le peuple ». Je me ravise, en concluant, les bêtes de proie ne raisonnent pas. Le mystère du caractère de cet homme me fut révélé dans le village, où vint me trouver Yuan Bao, la jeune fille qui m'avait défendu contre l'outrage du seau d'excréments sur la tête. D'abord, elle m'avoua son parcours. Elle s'était enrôlée comme gardienne, avec un sentiment de réel amour pour les paysans pauvres. Elle s'opposait au mauvais comportement de ses camarades comme elle le pouvait, c'est-à-dire avec d'énormes difficultés, en courant le risque très grave de se voir accusée d'être une gauchiste. Refusant sincèrement toute forme d'oppression, elle combattait contre la formation d'une nouvelle classe d'exploiteurs, réfugiés dans les institutions pour les utiliser à leur profit. Progressivement, me confia-t-elle, à propos de révolutionnaires, j'ai remarqué combien parmi eux étaient en réalité des Guayangtu, my guru. Note, expression proverbiale, ils trompent sur la marchandise en exhibant une tête d'agneau pour vendre de la viande de chien. Ils se proclament au service du peuple, quand, en réalité, ils ne cherchent qu'à servir leur but égoïste, individuel, et cela en acquérant un poste important, comme dirigeant dans le parti ou ses organisations de masse. Nous abordâmes le grave problème de la cruauté humaine. Ce qui m'a intrigué le plus, reconnut-elle, est la bonne conscience totale avec laquelle un être humain peut commettre les pires atrocités contre un autre, pourtant innocent et sans défense, tout en proclamant agir au nom de la justice. J'ai cherché à comprendre ce mystère, sans y parvenir. « Je suis dans la même situation que toi, » dis-je. Il est vrai, cependant, qu'en étudiant attentivement notre histoire, j'ai constaté combien se côtoie une merveilleuse culture avec une horrible barbarie. Notre raffinement s'est manifesté autant dans la beauté que dans la cruauté. C'est vrai. Yun m'avoua le motif de son retour au village. Elle désirait demander pardon aux paysans en général et à moi en particulier pour les actes commis contre nous dans le passé. J'objectais, Mais tu m'avais dit n'avoir été ni l'instigateur, ni l'auteur. Le fait, estima-t-elle, d'avoir appartenu aux gardiens m'avait convaincu d'avoir, d'une certaine manière, avalisé leur comportement. Alors, je croyais vraiment au mot d'ordre lancé, abolir toute forme d'exploitation par des dominateurs au détriment de serviteurs, pratique de l'égalité et de la solidarité entre toutes et tous. Comment ne pas vouloir réaliser ces objectifs, même au prix de ma vie ? Hélas, j'ai fini par constater qu'on s'était joué de ma bonne foi et de mon idéal. On m'avait manipulé. Avec le temps, j'ai découvert combien cette manipulation fut injuste et cruelle pour tellement de personnes sincèrement au service du peuple. Vie broyée, études interrompues, carrières brisées, suicides par désespoir, assassinats secrets ou publics. Je me suis reproché d'en avoir été l'involontaire caution. Enfin, j'ai appris que ce phénomène régressif n'est pas propre à la Chine. Tous les pays, sans aucune exception, où une révolution fut déclenchée en faveur du peuple, celle-ci est devenue, après la victoire, un mouvement manipulé par les dirigeants pour se constituer en caste privilégiée. On comprenait alors que durant toute la révolution, les dirigeants n'avaient fait qu'utiliser le peuple comme masse de manœuvre pour parvenir au pouvoir. Les rares authentiques révolutionnaires qui dénonçaient ce comportement étaient liquidés avec l'infamante et fausse accusation d'être des ennemis du peuple. En réalité, ils dénonçaient simplement l'autoritarisme des dirigeants au détriment du peuple. C'est la fameuse et banale règle du voleur qui crie au voleur. Toute forme de démocratie populaire réelle était vue par les chefs comme criminelle, car elle montrait la nocivité d'un système qui imposait des maîtres à des serviteurs. Seule l'étiquette changeait. Le tsar ou l'empereur s'appelait par la suite camarade président. L'esprit autoritaire dominateur est encore malheureusement la tendance la plus forte dans l'humanité. Nous ne sommes pas sortis de la préhistoire. J'ai voulu déculpabiliser mon ami. La jeunesse est une première phase de la vie. On sait peu de choses sur soi-même et surtout sur le monde. Cette ignorance, aggravée par la naïveté et l'idéalisme, porte à commettre des erreurs, tout en estimant être dans le juste. Cependant, l'essentiel est de se rendre compte, le plus tôt possible, des illusions, et de les corriger, sans oublier, et c'est important, qu'elles furent commises sans l'intention de nuire. La seule chose impardonnable est de s'entêter à ne pas admettre d'avoir agi de manière erronée, et par conséquent persister dans un comportement négatif. À ce sujet, les personnes les plus dangereuses se trouvent parmi celles qui se distinguent par la prétention de sauver l'humanité. Cette ambition, au lieu de les rendre plus humbles et plus réceptives aux problèmes, les aveugle. Et malheur à qui tente de leur en parler. Il sera impitoyablement éliminé de la manière la plus brutale. Ces ambitieux existent tant qu'on ne fait pas le bilan objectif, total et sincère de notre histoire passée. Seulement ainsi, nous comprendrons nos errements. Cacher la vérité d'hier porte à cacher celle d'aujourd'hui. Tôt ou tard, le peuple finira par connaître cette vérité. Alors, à ceux qui l'occultent, il refusera toute légitimité. Partout dans le monde, après l'écroulement de l'idéal de justice, est revenu le temps des opportunistes. Leur avidité est plus que jamais insatiable. Ils s'agglutinent et se bousculent comme des vautours autour d'un cadavre. Les gens honnêtes sont méprisés, et les plus courageux à dénoncer cette inadmissible injustice sont écrasés. Mais ils continuent à se battre. Je veux être parmi eux. À ces mots, je ne pus m'empêcher d'enlacer chaleureusement Yun. Elle me révéla ensuite le parcours du méchant gardien. Au village, il se plaisait à jouer au tyranneau. Les paysans finirent par le surnommer Hu Lang, le singe loup. Le premier terme se référait au fait qu'il singeait le bon comportement de serviteur du peuple. Et le second mot soulignait la méchanceté réelle du jeune homme. Très rapidement, les villageois avaient compris ses motifs cachés. Satisfaire son penchant primaire, à savoir dominer les autres, pour faire carrière. Ainsi, on remarqua sa férocité en vue d'entrer dans le parti et y monter les échelons. De là venaient ses exagérations et extravagances, avec lesquelles il se proclamait le plus révolutionnaire de tous. De là aussi provenaient sa haine et ses actions contre tous ceux en qui il sentait avec le flair du loup un réel dévouement aux idéaux de la justice, dont se réclamait notre révolution. Yun conclut, « J'en suis arrivé à penser que pour haïr les autres, il faut d'abord souffrir d'une haine de soi-même. Et pour éprouver un tel affreux sentiment, il faut avoir subi de graves blessures d'amour-propre. Ce fut mon cas, et je crois aussi pour le méchant gardien. » Bien entendu, il s'agit là d'une simple explication, non d'une justification. Avoir subi l'injustice ne justifie en aucune manière de la commettre sur autrui. Yun m'informa de son parcours après avoir quitté le village. Elle enseignait dans une école d'une petite ville. Durant son temps libre, elle œuvrait dans une association. Son but consistait à aider bénévolement les paysans venus pour travailler dans cette agglomération devenue industrielle. Le travail des champs ne leur permettait plus une vie décente. Ensuite, Yun me raconta l'itinéraire de Hulang, car ils étaient du même village.